Minak ben palon. Pab am 90 ans. Pab dal musul am pièce d'identité. Ben jour mu doxan tout côté place de l'indépendance nak. Ay minuit rek auto la mastraw. Ni ko way gor gui ant pièce d'identité. Pab ni ah sama dom man musuma am carte d'identité. Ni ko yow ñaatak nga am ni man 90 ans. Ni ko ah yow de yow mom fokk ñu embarquer la. Mais bala ni dem fokh nga wax ñu yow no def ba 90 ans musso am pièce d'identité mune man kat bi mu juddo sama tour kene mënu ko bind donc awuma sax extrait de naissance ñu ko yow sa tour no wara tuddu rek ba kene mënu ko bind mune man la tuddu ñu ko i no sante mune fi la lepp jexex